Un mousse de Surcouf par Pierre Maël. Extrait premier, le vent tourne. Il eut un moment de stupeur à bord de Good Hope. Que signifiaient ces couleurs françaises brusquement arborées par le vaisseau inconnu? Fallait-il leur accorder confiance ou devait-on les tenir pour suspectes? Le problème était ardu pour des gens qui venaient de pratiquer le même subterfuge et de tromper leurs ennemis en se couvrant de leur pavillon. L'anglais ne faisait-il pas ce qu'avait fait le Good Hope avec une audace couronnée de succès? Les trois spectateurs du drame demeuraient muets, les yeux fixés sur l'étrange navire. Que leur apportait-il, le secours ou la mort? Bois, fit Evel, il ne sert à rien de nous le demander, puisque le résultat est le même. Si ce bateau est English, nous n'avons qu'à laisser porter. Il sautera avec nous. Jacques de Clavaillant ne prononça pas une parole. Le cœur gros, blême, les dents serrées, les yeux rouges. Il regardait danser sur les vagues l'esquif qui emportait le petit Will et qui décroissait à vue d'œil, tandis que se rapprochait le vaisseau suspect aux couleurs de la France. « Le pauvre petit !» murmura Pierre Ustaritz, traduisant d'un mot la pensée qui hantait l'esprit de son chef. La parole revint à celui-ci. « Sois tranquille, garçon, nous le vengerons tout à l'heure. » Et il fit garder les plus hautes voiles, ne voulant plus retarder la rencontre avec le vaisseau anglais. Maintenant que la catastrophe était inévitable, tous savaient la morbide impatience de la précipiter. Brusquement, Evel étendit la main dans la direction du vaisseau. « Voyez donc, commandant, deux autres voiles au sud-ouest. » Il disait vrai. Deux silhouettes nouvelles se dessinaient sous le ciel pâle du couchant, dans la bande de pourpre qui traçait le soleil près de disparaître. « Attention !» commanda le jeune chef. « Il fera nuit noire dans un quart d'heure. Tous les Anglais sont sur nous. Il faut que notre mort soit une apothéose et que nous éclairions tout le ciel. » Cependant, les deux navires se rapprochaient. La distance diminuait rapidement entre eux, et l'on pouvait apprécier les formes de l'ennemi se présentant tantôt par l'avant, tantôt par le flanc. Depuis quelques secondes, les yeux de Jacques s'étaient faits plus attentifs, obstinément fixés sur l'arrivant, et tout à coup, un cri jaillit de sa gorge, semblable à un rugissement de joie et de triomphe. « Dieu me pardonne, mais c'est une vieille connaissance, ce bateau, c'est l'ancienne confiance sur laquelle Surcouf nous a recueillis. » En ce moment même, le bâtiment suspect arborait des signes d'amitié. Il n'y avait plus de doute à conserver. C'était un ami, non un adversaire, qui venait ainsi à la rencontre des marins du Good Hope. Telle fut l'allégresse des trois hommes, que le marquis les saisit dans ses bras et les embrassa avec une sorte de folie. « Et le pitchoun ?» interrogea Ustaritz en montrant à Clavaillant un petit point noir prêt à disparaître dans le nord. « J'y pense, » répondit le jeune homme. « Fais descendre le second canot, Pierre, et prends avec toi quatre hommes pour aller le chercher. » L'ordre fut exécuté sur le champ. Quatre matelots espagnols embarquèrent avec le basque. Un jeu rapide des avirons les emporta. Il n'était que temps. Will devait être un mille en arrière. Pendant ce temps, Evel répondait aux signaux de la confiance. « Ça, dit-il, c'est bien des Français. Mais les trois Anglais sont toujours en vue dans le nord-est. On pourrait les attendre. »« Sois tranquille, » répondit Jacques. « Si la confiance est ici, c'est que le revenant et la Sainte-Anne ne sont pas loin. » Le revenant et la Sainte-Anne, répliqua le Breton, c'est peut-être bien ceux qui viennent là-bas, par derrière celui-ci. Ils montraient du doigt les deux silhouettes signalées un instant plus tôt, mais soudain, leur conversation fut interrompue. La confiance allumait ses feux de position et le Good Hope devait l'imiter. La nuit se fit immédiatement, le soleil étant tombé sous l'horizon. Un fanal puissant fut placé à l'arrière du trois-mâts afin de guider ceux qui s'étaient portés à la recherche de Guillaume Ternant. Or, tandis que ces choses se passaient sur le Good Hope, le petit mousse, abandonné sur son canot, se laissait aller au désespoir. Pourquoi l'avait-on ainsi embarqué sans explication, sans motif? À vrai dire, au premier moment, ça avait été pour lui un véritable soulagement de sortir de la nuit de sa geôle pour se retrouver au grand air. Dans ces ténèbres abominables, précédant celles de la mort, l'enfant avait éprouvé des affres cruelles. Il avait dit adieu au ciel et à la lumière, et voici qu'on l'en avait retiré. Une fois encore, il avait respiré l'air pur et fortifiant du large, contemplé le firmament immaculé. Puis, sans que rien pût lui faire deviner la cause de ce changement, sans une parole explicative, Jacques de Clavaillant l'avait placé dans ce canot, lui donnant l'ordre de fuir, de se dérober à la poursuite des Anglais. Quelles étaient donc les intentions de son vaillant ami, de celui qu'il considérait, qu'il aimait déjà comme un frère? Pourquoi se séparait-il de lui sans lui révéler les raisons de cette séparation? Dans ce canot, ballotté par les vagues, il se trouvait seul, seul au moment où la nuit allait se faire, sans un appui, sans un conseil, sans une parole réconfortante pour le soutenir dans la lutte. Et en inspectant l'embarcation, voici qu'il y découvrit une caisse qu'on y avait intentionnellement déposée. Dans cette caisse, il y avait 4 bouteilles de vin, 50aine de biscuits, quelques boîtes de conserve et des fruits secs. Sous un banc était amarré un baril d'eau fraîche. Guillaume vit bien que l'intention de l'abandonner était bien mûrie. Et de réchef, l'affreuse question se posa à son esprit angoissé. Pourquoi l'abandonnait-on ainsi? Quelle était la pensée de Jacques? Alors la clarté se fit soudainement en lui. Il comprit le sentiment du marquis. Si Clavaillant l'abandonnait de la sorte, si Havel et Ustaritz souscrivaient à la sentence, c'était sans nul doute que les 3 hommes avaient modifié leur première et farouche intention. Ils voulaient mourir seuls. Ils ne voulaient point tuer un enfant. Oui, c'était là la vérité, la seule explication possible de leur conduite. Cette réflexion entra comme un éclair dans l'âme troublée de Will. Oh, ils étaient bons jusqu'au bout, ces amis de rencontre, ces braves dont il avait partagé le dénuement et les souffrances, trop bons même, puisqu'en lui accordant la vie, il ne faisait que prolonger son agonie, se délivrant seul par une mort violente mais héroïque. Par cela même que la vérité éclatait avec plus de force à ses yeux, elle le frappait comme un coup de foudre, elle le terrassait sous sa violence. Guillaume retomba, inerte, sur son banc, et se mit à pleurer à chaudes larmes. Mais à cet âge, les réactions sont vives. On ne fléchit pas sans se relever. Brusquement, l'enfant se redressa, saisit les avirons et se mit à nager avec vigueur dans le siège du Good Hope afin de maintenir sa distance. Du haut du gaillard, penché sur la lisse, les 3 hommes lui adressaient des signes affectueux de tendresse, s'efforçant de lui parler de la main. Et voilà qu'en se retournant, Will aperçut le navire qui venait à la rencontre du Good Hope. Il vit le pavillon français flotter sur le bâtiment redouté. Il laissa échapper les rames et, se levant, jeta un grand cri. « Les couleurs de la France! Les 3 couleurs !» Son bras s'agitait, montrant à ses amis ce drapeau qu'il venait de découvrir le premier et qui lui rendait l'espérance. Ils comprirent son geste. Ils entendirent le son de sa voix. Ils reconnurent comme lui le pavillon national, les couleurs de la patrie. Mais chose étrange, ils n'en parurent ni satisfaits ni émus. Du canot, Will put voir les 3 hommes se rapprocher, gesticuler en désignant le bateau inconnu, échanger sans doute leurs réflexions. Et s'oubliant à les contempler, l'enfant oublia de les suivre. Les avirons pendaient inertes à leur tollé de cuivre. Une grosse lame souleva la frêle coque de noix et l'emporta 200 brasses en arrière du trois-mâts. Il devenait impossible de regagner la distance. Le découragement s'empara de nouveau du mousse. Un découragement grandissant qui, tout à l'heure, allait se changer en désespoir. Il fut d'autant plus terrible, d'autant plus écrasant, que l'espérance, un instant entrevue, avait été plus lumineuse, plus éblouissante. Et soudain, la nuit se fit, ajoutant à l'horreur de sa situation. Loin, bien loin dans le sud, Guillaume vit s'allumer les feux du Good Hope. Allons, tout était dit. Des doutes affreux le ressaisirent. Il se dit qu'il était bien définitivement abandonné cette fois. Il s'abattit à l'arrière du canot, la tête entre les bras, sanglotant comme un petit enfant. Au-dessus de sa tête, les étoiles trouaient la voûte de leurs petits points clairs et scintillants, pareils à une poussière de diamants éparpillée sur un voile de deuil. Au-dessous de lui, la mer se gonflait en larges vagues, à l'échine souple, au dos arrondi, qui le balançait comme un nouveau-né dans son berceau. Et où il ne voyait rien, n'avait pas un regard pour le sombre et grandiose spectacle de ce ciel et de cette eau confondue dans une même obscurité. Enfoui dans sa douleur, priant pour ceux qu'il ne verrait plus, il pleurait. Un cri traversa le vaste silence et le fit tressaillir. C'était son nom qui avait roulé sur les échos de l'abîme. Une voix l'avait appelé, et cette voix, il avait cru la reconnaître. Il se releva et tendit l'oreille, prêtant toute son attention. La voix traversa de réchef l'espace. La voix de Pierre Ustaritz, le basque, qui jetait à plein poumon son appel sonore. « Ohé du canot, Will, petit Will, le mousse !» L'enfant se leva tout droit de l'embarcation et répondit avec ferveur. « Ohé du canot ! À moi, pirail ! À ton bord, dans le vent !» Et de la sorte, pendant un quart d'heure, l'homme et l'enfant se répondirent. Le second canot, maintenant, avait allumé son fanal. Will voyait la petite lueur courir et scintiller sur l'eau, paraître et disparaître sous les lames. Il se remit aux avirons et nagea hardiment à la rencontre de ses amis. Il fallait une bonne demi-heure pour permettre aux deux embarcations de se rejoindre, mais quand elles furent bord à bord, le Basque fut le premier à accoster. Il sauta d'un bond dans celle qui portait Guillaume et l'amarra à l'arrière de la sienne, afin de la remorquer vers le Good Hope. Après quoi, se redressant, il ouvrit tout grand ses bras et traînit l'enfant dans une accolade quasi paternelle, riant et pleurant à la fois. Une heure plus tard, Guillaume Ternan se retrouvait à bord du bâtiment qu'il avait quitté désespéré et qu'il ne croyait plus revoir. Evel, puis Clavaillant, le serrèrent en frémissant sur leur poitrine. Il riait maintenant, le pauvre Will, qui pleurait tout à l'heure. « Commandant, dit-il, je sais pourquoi vous m'avez abandonné. Tu le sais ? Mais nous ne t'avons pas abandonné, petit. Nous avons voulu seulement, et la voix de Jacques trembla, m'empêcher de mourir avec vous, n'est-ce pas ? Dit le petit garçon. Oh, je l'ai bien compris, allez, quand je me suis vu tout seul avec les provisions que vous m'aviez laissées. Les yeux de Jacques se mouillèrent, mais de très douces larmes cette fois. Eh bien oui, tu as deviné, nous avons voulu mourir seuls. Et maintenant, vous ne voulez plus ? Maintenant, nous avons reçu le secours de Dieu et des hommes. Le bateau que nous suspections est français. Tu le connais aussi bien que nous. C'est celui qui nous a sauvés sur la chaloupe quand nous étions au moment d'expirer. C'est la confiance de Surcouf, et jamais elle n'a mieux mérité son nom. « Bravo, commandant !» s'écria Will. « Et vive la confiance !»« Ce n'est pas tout, » reprit le jeune corsaire. « Celui qui la commande m'a appris que c'était une surprise que Surcouf nous avait ménagée, qu'il l'avait équipée et armée sans prévenir personne. Demain, au soleil levant, nous serons rejoints par lui sur le revenant, et je remonterai sur ma vaillante Sainte-Anne, et alors, malheur aux Anglais !» Et le lieutenant de Surcouf étendit son poing fermé et son bras menaçant vers l'horizon du nord-est, où, sous la trame des ténèbres, il devinait l'approche des trois vaisseaux du commodore Harris.